C'est le temps du commentaire d'album, commentaire de disque de la semaine. À chaque semaine, je vous fais un commentaire de disque d'un produit franco-canadien, surtout hors Québec. Et vous pouvez lire mes commentaires de disque en allant sur les sites de Centre Art, www.centreart.qc.ca ou encore le Québec Pop, québecpop.com, bien entendu, www.québecpop.com. Ainsi que sur ma page Facebook de Canrock, CAN-ROCK sur Facebook, et vous allez découvrir beaucoup de nouvelles et mes commentaires de disques, bien entendu. Cette semaine, on s'en va à Winnipeg, au Manitoba, avec Y'a quelque chose et l'album 4. Après une absence de 9 ans sur disque, la formation rock alternatif franco-manitobaine Y'a quelque chose nous a offert en 2017 un quatrième album, intitulé 4, bien entendu. Étant fidèles à eux-mêmes, les musiciens de Y'a quelque chose récidivent avec une douzaine de chansons dans une énergie hors du commun qui leur est propre. Les guitares et les percussions sont assez intenses avec quelques belles variations rythmiques contrôlées. C'est vraiment bien fait. Si vous aimez le rock alternatif assez lourd, assez pesant, il faut écouter cet album-là, l'album 4 de Y'a quelque chose. Je vous donne une adresse pour aller découvrir leur univers. Ils existent depuis, je pense, 97-98 environ. Donc, allez faire un tour sur www.yakechose.com. C'est tout simplement YAKETCHOSE.com. www.yakechose.com. On va y aller avec une première pièce, c'est la première plage de l'album « Sans inquiétude », tirée de l'album 4 de la formation franco-manitobaine « Y'a quelque chose ». Yeah! Les thèmes abordés pour cet album-là, bien, ce sont ceux du quotidien, les écarts entre les riches et les pauvres, rythme de vie effréné et l'environnement, entre autres. J'aime bien la pièce d'ouverture qu'on vient d'entendre, Sans inquiétude, pour son entrain. Il y a la prochaine pièce qu'on va entendre, Jamais assez, est une des plus solides sur l'album, avec un jeu de guitare intéressant. Une des chansons qui m'a le plus interpellé, c'est la chanson qu'on va entendre en fin de commentaire. C'est la chanson, Château de sable, un merveilleux texte sur l'inondation printanière annuelle qui se passe au Manitoba. Il y a une pièce qui m'a bien surpris sur cet album-là. C'est une pièce instrumentale. Elle s'appelle Champlain. C'est une belle énergie très bien partagée entre les guitares et la batterie et c'est assez solide. Donc allons-y avec une autre bonne pièce de l'album 4 de la formation de Winnipeg, Il y a quelque chose. Voici Jamais assez. Je crois qu'il en a peur. Mais mes mots d'eau crient de douleur. Je travaille tellement que je n'ai plus le temps de manger. Je suis mis sur des cigarettes et du café. Je n'ai jamais assez de ta peau. Je n'ai jamais assez de ta peau. Deux jours dans les mois. On me dit de faire le travail de toi. Avec toute cette pression, je crois que je vais finir par craquer. J'ai mis de peine de vivre en pauvreté. Je n'ai jamais assez de ta peau. Je n'ai jamais assez de ta peau. Jamais assez de la formation Il y a quelque chose de leur album, quatrième album, qui s'appelle l'album 4. Pour ceux qui aiment la musique rock alternative puissante, eh bien, Il y a quelque chose est un son différent à découvrir. Les cinq musiciens de la région de Winnipeg se défoulent dans un univers contrôlé où l'on retrouve une plume particulière sur le quotidien. 4, un album en marge dans la francophonie canadienne, qui rejoint un public qui aime les guitares solides et un rythme infernal. Donc, découvrez Il y a quelque chose en visitant leur site internet www.ilyaquelquechose.com. Donc, Il y a quelque chose, c'est YAKETCHOSE. Donc, www.ilyaquelquechose.com. On va y aller avec une dernière pièce, si vous voulez bien, de l'album 4 du groupe Il y a quelque chose. Voici tout simplement Château de sable. De plus en plus. ceux qui s'abonnent aux journaux, certains qui l'ont lu. Le soleil dans le ciel fait disparaître le blanc. Les gens en ville ne s'inquiètent pas de ce problème. Qu'est-ce qu'ils ont peur? Cette place est toujours la même. Le retour de la ville protège ceux qui sont en dents. Les fossés sont maintenant derrière. Les gens sont devenus les mêmes. Les sacs de sang sont basses sur barrière. Le printemps est dans ma cour arrière. Ça nous a pris trois jours à bâtir ce château de sable. Je resterai ici pour combattre les vagues du diable. Je passerai les jours sur ma digue avec ma canne à pêche. Les fossés sont maintenant derrière. Les champs sont devenus les mers. Les sacs de sang sont masse barrière. Le printemps est dans ma cour arrière. Les gens sont devenus des mères. Les sacs de sang sont masses barrières. Le printemps est dans ma cour arrière. T'as croisé les bras, tu dis que peut-être ou peut-être pas. On attend demain, on attend le sort. Tu attends le train au milieu de nulle part. T'as fermé les yeux devant l'horizon. T'as crié au feu pour un simple tison. C'est un vide, c'est un vide pour toi. Le temps file, tu n'as pas de temps pour ça. Je t'en prie, ne te retourne pas. Oh oh oh, c'est t'en prie, c'est t'en prie pour toi. Le temps file, je n'ai pas de temps pour ça. Je t'en prie, va juste si loin déjà. Oh oh oh, t'as douté de nous, t'as douté de moi. T'as douté de tout sans douter de toi. Trop célébré, au milieu de la course tu t'es fait doubler. Tu en as dit trop puis tu ne dis rien. Et rails sur tes mots, t'as manqué le train. C'est un vide, c'est un vide pour toi. Mais t'as un vide, j'ai pas de temps pour ça. Je t'en prie, ne te retourne pas. On a débuté notre bloc de l'Est Québec-Ontario avec la charmante Mélissa Ouimet qui, vendredi dernier, a lancé un EP de 5 chansons, « Amour jetable ». Et voilà, peut-être une semaine et demie de ça qu'on nous a proposé un deuxième extrait de cet album qui s'appelle « Tant pis pour toi ». C'est du bon rock francophone comme elle sait le faire, très énergique, avec de bonnes guitares, une bonne voix assez puissante. Donc, vraiment un très beau produit franco-ontarien à encourager. Bon, elle demeure maintenant du côté de Montréal, mais elle a un pied à terre. Ses parents restent à Saint-Albert, en Ontario, dans l'Est ontarien. Elle est originaire de là. Et ça va tourner à Canrock avec grand plaisir parce que c'est vraiment très intéressant ce qu'elle fait. Autre produit intéressant à vous offrir cette semaine. Bon, la semaine passée, je vous parlais de Rond-Point 5, qui avait de très bons artistes qui vont être là cette année. Eh bien, l'année passée aussi, il y a eu de très bons artistes, entre autres Marie-Claude et un dénommé Daniel Groslot-Landry. Qui, bon, je m'attendais, je vais être honnête avec vous, je m'attendais à bon, quelque chose de pas si pire, mais il nous a présenté de très bonnes chansons, assez rock, assez progressive aussi, une belle touche progressive dans la musique, et c'est vraiment intéressant. Et je pense que c'est le 20 avril prochain, il va lancer un petit EP lui également de ses chansons. Et j'ai le plaisir de vous faire entendre cette semaine « Chant lunaire ». Vous allez voir, très bonne pièce rock avec une petite touche progressive en plein milieu et puis ça reprend. C'est vraiment bien fait. Je suis bien content d'avoir ce produit-là et je suis étonné. Et Rond-Point 4, où est-ce qu'il a participé, ça l'a aidé à concevoir de très bonnes pièces et il nous propose quelque chose d'assez intéressant. Merci. Donc, Chant lunaire, Daniel Groslot-Landry. Allez voir ça sur Bandcamp. Mettez la main là-dessus, c'est vraiment intéressant. On va l'écouter avec grand plaisir. Tant qu'à être dans le rock, on va y rester. On va y aller par la suite avec une pièce qui s'appelle « Le cœur noir » de Joly, Marc-Antoine Joly, qui est très bien connu en Ontario pour avoir joué avec... entre autres Acouphènes, entre autres aussi Céleste Lévy. Et un projet solo joli, très intéressant. Le cœur noir, ça s'en vient. On va terminer ça avec Vivre en ville des Rat Swamp, qui ça aussi, c'est du bon rock folklorique, folk assez intéressant. Merci. Voilà, les échos de ton regard. suis sur la lune. M'attends pas, je suis sur la lune. M'attends pas, je suis sur la lune. M'attends pas, je suis sur la lune. Thank you.